Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gemouzo pour cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Comme je l'avais déjà annoncé hier soir lundi et comme je l'ai annoncé sur la page Facebook Radio Gemouzo, on reçoit ce soir la médiathèque de Remiremont pour faire la programmation des mois de novembre et décembre. Et pour ça, j'ai Catherine et Laurent avec moi. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Laurent, c'est vrai que je t'ai déjà reçu il y a quelques mois pour faire la programmation de l'été de la médiathèque, tout simplement. Et Catherine, c'est une première, première dans mon émission, bien entendu. Oui. Déjà, bienvenue. Et voilà, pour que les auditeurs puissent situer à nouveau qui est qui. Alors, Catherine, toi, tu es la directrice de la médiathèque, c'est bien ça ? Tout à fait. Et tu gères pas, tu gères juste la médiathèque dans son ensemble ou pas? Je gère tout le réseau de lecteurs publics. Ouais. Voilà. Oui. Et toi, Laurent, t'es? Et moi, je suis dans l'équipe multimédia, donc plus spécifiquement cinéma et cyber. Voilà. Ah, très contente de te retrouver, très contente de vous avoir tous les deux dans mon studio et très contente que les auditeurs soient aussi au rendez-vous comme d'habitude. Et comme je le disais, hein, on est là pour mettre en avant le programme novembre-décembre de la médiathèque. Voilà. Il y en a des choses à voir, il y en a des choses à vivre, hein, à la médiathèque de Remiremont, mais pas que. Vu que je le rappelle, hein, c'est tout un réseau, chapeauté par Remiremont, qui est, je crois, la médiathèque principale de c'est la tête de réseau, effectivement. En effet, qui va jusqu'à la médiathèque du Thiot, c'est ça, pour aller le plus donc, en fait, il y a Éloi, Saint-Nabor, Vecoux, Dommartin, donc Remiremont et prochainement Val d'Ajol. Ouais. Et oui, parce qu'on a une nouveauté à annoncer pour faire un petit topo pour nos auditeurs, que vous sachiez un petit peu comment va se passer l'émission. On va faire un petit sommaire que Laurent m'a préparé. Donc on va d'abord parler du programme Rencontre avec le Portugal, puis en deuxième partie on parlera de la journée jeux vidéo et enfin, comme tu l'as annoncé Catherine, la nouvelle médiathèque du Val d'Ajol. Avec bien entendu des discussions autour comme d'habitude. Donc 3, 2, 1, on est parti pour parler, on l'avait bien dit, du Portugal. Catherine, il me semble que c'est toi qui a le plus d'informations à ce sujet, si je ne me trompe pas. Effectivement, donc depuis le mois d'octobre, on présente des animations liées aux animations par rapport au Portugal. Donc c'est un cycle qui est orchestré par la médiathèque départementale des Vosges, on en est à la 18e édition, et on a présenté un cycle cinéma avec la rencontre de deux réalisateurs, ainsi que la participation de l'association récréative portugaise lors d'une manifestation au cinéma de France. Donc, on a fini ce cycle cinéma et là, on va commencer justement par des cycles plus spécifiquement de la danse et une autre animation liée à la musique du fado et à la danse folklorique de Saint-Étienne et Remiremont. Donc, ça, c'est pour faire en gros. Ça fait combien de temps d'ailleurs que le projet était en gestation pour le cycle Portugal ? En général, on commence un an à l'avance notre réflexion sur les prochaines animations. Ce qu'on présente semestre par semestre, notre programme d'animation. Et quand c'est des animations thématiques qui durent longtemps, on réfléchit pratiquement un an à l'avance. Ouais. Et là, c'est autour du Portugal. Pourquoi avoir choisi ce thème-là ? En fait, c'est le département qui choisit les thèmes. Donc, une année, c'est un pays, une année, c'est... un genre, un thème plus approfondi. L'année prochaine, par exemple, ce sera la forêt. Ah, on a hâte d'en savoir plus. Et l'année d'après, la Belgique. Eh ben, décidément. mais concernant le Portugal, je pense que s'il y a quelque chose qui est important de savoir, en tout cas au Tio, mais je pense aussi un petit peu à Armiremont, il y a une communauté portugaise assez importante dans le secteur. Oui, à Saint-Étienne, il y a une, juste ici en fait, l'association récréative portugaise, donc justement qui nous a bien aidé à mettre en place toutes les animations musicales. Parce qu'il y en a des animations, hein, c'est pas juste une petite expo, hein, il y en a des choses à voir, des choses à faire autour du Portugal. Donc on va peut-être commencer de manière plutôt chronologique en ce qui concerne le Portugal. Ça va commencer par quoi ? Par une séance de lecture pour enfants, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Deux séances de lecture même. Oui. Donc il y a une première séance le mercredi 24 octobre. Donc, qui se déroulera à Eloi, voilà, à 10h. Et Maria Boulanger, qui est professeure de lettres au collège Le Tertre, viendra faire une séance de lecture bilingue. Voilà, donc français-portugais. Voilà. Et donc, il y aura des albums, des chansons, des contes et des poésies en portugais. Et typiquement en portugais, j'imagine, pour ouvrir à nouveau nos horizons culturels. Voilà, c'est ça. comme toujours. Et ah oui, d'ailleurs, tant que j'y pense, tu avais dit c'est pas la médiathèque de Remiremont qui choisit son thème, c'est plutôt d'envergure nationale. Le conseil départemental. Ah oui, le conseil départemental, excuse-moi. Mais pour après, pour préparer toutes ces animations, j'imagine que vous êtes plutôt autonome. Oui. Et est-ce que pour la préparer, vous avez travaillé main dans la main avec les communautés ou les associations portugaises? Donc en fait, au mois d'octobre, quand on a présenté le cycle cinéma, on a travaillé avec le Cinéma de France, parce que là, on choisit nous-mêmes en fait nos projections, ainsi qu'avec l'association Cinéma Arcade de Remiremont, qui est présidée par Madame Cécile Marchoquet. Et on avait quand même la chance d'avoir donc la venue de deux réalisateurs, une réalisatrice Cristina Pinheiro, et puis un autre réalisateur qui nous a présenté un court-métrage. Et là, par contre, c'était justement la médiathèque départementale des Vosges qui nous les a donc présentés. Ensuite, nous, on a sélectionné tout ce qui est musique traditionnelle portugaise ainsi que le fado. C'est le réseau de lecture publique qui a sélectionné ces animations. Par contre, on a une autre animation sur la danse contemporaine qui va être présentée au centre culturel. Là, c'est aussi orchestré par la médiathèque départementale. Justement, cette rencontre, ce spectacle de danse, parlons-en, qui a lieu cette fois le 16 novembre au Centre culturel Gilbert Zog, donc à Remiremont, juste en face de l'hôtel de ville et de l'abbatiale, pour ceux qui savent pas encore trop où le centre se trouve. Donc, Laurent, qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet ? Alors, c'est un spectacle qui est chorégraphié et interprété par Sossana Marcelino. Et c'est un solo de danse contemporaine qui s'appelle So. Alors So qui signifie donc seul en portugais, parce qu'elle est vraiment seule en scène. Vraiment, elle a personne avec elle. Et c'est un spectacle qui raconte comment la danse a changé sa vie. Et puis c'était une manière aussi de se révolter face à son père qui était maçon immigré. Et qui n'a jamais compris sa passion pour la danse. Voilà, et c'est ça qu'elle exprime à travers sa danse. Donc c'est très autobiographique. Voilà, c'est ça. Autobiographique et aussi une manière de s'exprimer sur aussi, j'imagine. Alors c'est pas trop l'ouverture culturelle, en fait, c'est entrer dans son quotidien à elle et comment elle vivait et comment elle était perçue surtout dans son art. Donc on le disait, c'est le 16 novembre à 20h30 au Centre culturel. Il y a un prix d'entrée pour l'animation ? Non, entrée libre et gratuite. Et comme vous le disiez, ça a été proposé par le département. Oui. Tout simplement. Est-ce qu'il y a d'autres animations que le département a chapeautées ou les autres animations portugaises dont on va parler tout de suite sont plus de votre initiative à vous ? Bah, les prochaines animations, elles sont de notre initiative. Donc, c'est la soirée portugaise, c'est ça ? Oui, la soirée portugaise du 24 novembre. Donc en fait, elle va clôturer notre cycle animation portugaise. Donc, on a la chance de pouvoir proposer en fait ces animations au sein de la nouvelle salle multi-activité de Saint-Étienne-Remiremont. Donc, on remercie bien sûr la municipalité de Saint-Étienne pour ce prêt. Donc, on va recevoir un groupe qui s'appelle O Fado Vagero. Donc, c'est un groupe de musique de fado intimiste qui trouve ses origines dans les quartiers populaires de Lisbonne, où se croisent depuis des siècles des influences musicales multiples et colorées. Donc, en fait, le fado, bah, c'est une musique quand même un petit peu triste, mélancolique. Donc, on voulait quand même avoir justement deux façons de présenter différentes à travers le Portugal cette soirée-là. Donc, on va présenter le fado. Ensuite, on a la chance que l'association récréative portugaise va nous présenter des mets portugais. Dégustation. Alors, peut-être de la brandade de morue. Enfin, on nous a pas expliqué un petit peu tout ce qu'ils allaient nous présenter. Et ensuite, le groupe Os Lusos va donc investir la scène et nous fera une démonstration de danse folklorique. Donc c'est pareil, hein, c'est des animations comme toutes les autres animations qu'on propose, c'est accès libre et gratuit, entrée libre. Évidemment, il y aura que la consommation qui sera à payer, quoi. Voilà. Ce qui se comprend, bien entendu. Comme tu le disais, hein, c'est différents temps forts, hein, il y a des concerts, il y a spectacles, il y a dégustation. Encore une fois, de quoi ouvrir nos horizons culturels. D'ailleurs, je me rends compte que je le répète un petit peu trop, donc je me note pour éviter de le répéter. Oui. Hein, ça va être le défi de l'émission, éviter de répéter le mot qu'il faut pas que je dise. Et comme tu le disais, oui, c'est gratuit. Et j'imagine que il y aura l'association portugaise qui sera là. Il y aura peut-être, j'imagine, des personnes de la communauté portugaise. Il y aura ces artistes-là. Donc, il y a aussi possibilité, en dehors de ces temps de spectacle, de discuter avec eux, de communiquer pour en savoir plus sur leur culture. Parce que ça va au-delà, en fait, de la musique et de la danse. Oui, bien sûr. Surtout que Cindy, qui est présidente de l'association récréative portugaise, c'est une personne très familière, enfin très ouverte. On peut parler avec elle sans souci, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Après, elle nous présentera aussi, justement, toutes ces dégustations, ces spécialités qu'ils ont l'habitude de présenter. Bah, souvent, ils font des dégustations le dimanche, ici, sur Saint-Étienne. Donc, voilà, ce coup-ci, on va pouvoir ouvrir à tous, quoi, en fait. Ça va pouvoir être, en effet, ouvert à tous pour le cycle Rencontre avec le Portugal qui se clôturera le samedi 24 novembre. À la salle polyvalente de Saint-Étienne-lès-Mermoz, si je me trompe c'est pas. C'est la nouvelle salle multi-activité, pardon. C'est son nouveau nom. C'est pas la salle polyvalente, c'est juste la salle qui est en train de se finir juste en face. Ah oui, donc ce sera même le moment d'inaugurer cette nouvelle salle. Je crois qu'il y a un thé dansant juste la semaine avant nous. Ah oui, mais encore, voilà, donc elle sera toute fraîche, toute fraîchement inaugurée. Très belle. Ah oui, donc c'est l'occasion de passer un bon moment dans un endroit tout neuf, tout propre. Et en parlant de nouveautés, vous nous avez ramené aussi des nouveautés à écouter, parce que c'est ça aussi la médiathèque. Il y a toujours plein, il y a des livres, il y a des DVD, il y a des CD. Et en parlant de CD que vous avez ramené alors un CD intitulé 16 levées de soleil, musique originale de Guillaume Perret. Et j'ai choisi, parce que c'est moi qui ai décidé, j'ai choisi de passer le morceau Song of the Earth, qu'on s'écoute, que je connais pas du tout, hein, et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous avez écouté à l'instant le morceau Song of the Earth du musique du film original 16, Levée de Soleil de Pierre-Emmanuel Le Goff. Et si vous voulez en écouter un petit peu plus, ce disque se trouve à la médiathèque de Remiremont, le plus simplement du monde. En parlant de médiathèque, comme je le disais, on est toujours avec Laurent et Catherine de la médiathèque de Remiremont, CQFD, pour parler du programme de novembre et décembre. On a parlé juste avant du cycle Portugal, qui se clôture. D'ailleurs, pour ceux qui veulent plus d'informations, je pense que tout sera sur les pages Facebook et site internet, et ce sera aussi indiqué en podcast. Et s'il y a un autre temps fort pour ce cycle de 2 mois, Laurent, il s'agit de la journée du jeu vidéo, c'est bien ça ? C'est ça, oui. C'est la 2e édition. On l'a déjà fait l'année dernière, c'était à Saint-Étienne d'ailleurs. Et voilà, oui, ça avait été un succès, pour dire. Beaucoup de monde. Donc voilà, on s'est dit, oui. Puis on avait pris beaucoup de plaisir à le faire aussi, donc oui, forcément, il y aura une 2e édition. Et on a choisi Dommartin, du coup, pour cette 2e édition. Est-ce qu'il y a une raison particulière du choix du lieu où ça se déroule ? Non, pas du tout. Non, on voulait... on essaye un petit peu, parce que c'est vrai que tout ce qui est jeux vidéo est concentré un peu sur Remiremont, parce que c'est plus facile à gérer. Et c'était pour un petit peu faire un petit peu voyager toutes ces consoles, toutes ces choses, un petit peu sur tout le réseau. Parce que des consoles, il y en a, hein. Oui. qui seront présentes pour cette journée du jeu vidéo. Alors, j'ai pas tout lu, j'ai vu qu'il y avait forcément des ordinateurs pour jouer sur ordinateur, comme ça se fait beaucoup. J'ai vu qu'il y aura aussi des casques de réalité virtuelle, donc j'imagine qu'il y aura des consoles ou la PS4 ou la Xbox One, je me trompe, hein ? Oui, c'est ça, il y aura peut-être le casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 4. Et puis, de toute façon, un casque de réalité virtuelle qui fonctionne sur PC, voilà. Et d'ailleurs, en parlant PS4, on va même être un petit peu plus précis, c'est la PS4 de base ou la PS4 Pro ? C'est la PS4 de base, et c'est vraiment une nouveauté, on l'a acheté il y a peu de temps. Ah oui ? Et voilà, c'est une nouveauté, oui. Donc ce sera l'occasion de l'inaugurer. D'ailleurs, en parlant des jeux qui seront disponibles, non, on va parler des différentes consoles d'abord, et après des jeux disponibles sur VR. Tu vas très vite comprendre pourquoi, j'aimerais peut-être qu'on en parle un petit peu. Donc en plus de ordinateur, PS4, casque de réalité virtuelle, est-ce qu'il y aura d'autres consoles disponibles pour cette journée du jeu vidéo du 24 novembre à Dommartin ? Oui, il y aura aussi un peu de rétro gaming. Ouais. Avec, c'est la mode en ce moment des vieilles consoles des années 80-90 qui ressortent en version mini. Donc on avait déjà présenté l'année dernière la mini Super NES, qu'on propose en prêt à la médiathèque et qui marche très fort, beaucoup de réservations. Et cette année, en nouveauté, on a la mini NES, tout court. Donc c'était vraiment la première Nintendo, voilà, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins. C'est voilà, les deux premières Nintendo, version mini, avec une vingtaine de jeux directement intégrés dans la console. Donc il y a vraiment du choix en ce qui concerne le rétro gaming et c'est tout. Ce sera vraiment une journée orientée sur le jeu vidéo ou je suis pas sûre. Oui, non, oui, c'est ça. Il y a du jeu vidéo et puis on dévie un petit peu, par exemple avec des mini robots parce qu'on fait des ateliers toute l'année, les Cyber Kids. Et voilà, c'est aussi l'occasion de restituer un petit peu tout ce qu'on a pu faire sur l'année. Donc là, en l'occurrence, les mini-robots, on a fait plusieurs ateliers avec notamment les Ozobots, des petits robots qu'on peut programmer, et également un Sphéro. Donc comme son nom l'indique, c'est un robot qui est tout rond et qui se déplace, qu'on peut programmer et lui dire quoi faire, vraiment faire un trajet précis, changer de couleur, émettre un son, etc. Et là, voilà, on le mettra en démonstration et il peut être piloté à partir d'une tablette tactile. Donc voilà comment il sera utilisable. Et tout le monde pourra essayer de le piloter. Oui, voilà. Oui. C'est de toute façon, voilà, toutes les consoles seront en accès libre. Donc oui, il n'y a pas de souci. Et comme on parlait de consoles en accès libre et de différentes consoles, il y a celle qui est quand même assez récente. Hein, on parle du casque de réalité virtuelle. Tu as dit que c'est disponible pour jouer sur ordinateur ou sur PlayStation 4. Et en ce qui concerne les jeux qui sont disponibles, parce que forcément j'ai pas de casque de réalité virtuelle en ce qui me concerne, mais sur YouTube on trouve beaucoup de let's play de gens qui font des jeux d'horreur. Oui, alors on sûr. Est pas très loin d'Halloween. Dis-moi, il y aurait quand même pas que des jeux d'horreur, des jeux effrayants non, avec non, le non, casque. Non, non, bah non, non, c'est on essaye de faire une animation un peu pas faire peur aux non, enfants. Non, parce que c'est ouvert à tous, hein, donc faut quand voilà, même voilà, faire attention. Voilà. Et puis bon, un jeu d'horreur vaut mieux jouer tout seul chez soi. Mm. Je pense que là, avec le monde qu'il y aura, normalement, ce sera pas l'idéal. Donc voilà, encore une fois, des jeux tout public pour rassurer aussi les auditeurs qui peut-être se demandent ce qu'il y a sur les casques de réalité virtuelle, contrairement à ce qu'on voit sur Internet. Hein, il n'y a pas que des jeux d'horreur, même si je ne sais pas tout ce qu'il y a disponible avec les casques de réalité. Ah si, ça me revient vite fait des simulateurs de jouer les caissiers ou des choses comme ça. Mais ouais. On va peut-être pas revenir sur le détail. Hein. J'encourage dans ce cas les auditeurs à se rendre à la médiathèque de Dommartin Lermiremont le 24 novembre. D'ailleurs, ce sera toute la journée, ouvert toute la journée. Oui, c'est ça, oui. 10h midi et 14h-17h. Et encore une fois, hein, c'est disponible pour tout le monde. Bon, évitez de vous battre si vous voulez à tout prix jouer sur la mini NES ou la mini Super NES. Je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Et je vois ça, on en avait aussi parlé pour les animations de l'été. Je crois que ça revient le Nintendo Labo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Un petit peu comme pour les mini-robots. On a fait beaucoup d'animations, donc les Cyber Kids, autour du Nintendo Labo. C'est une des grosses sorties jeux vidéo de cette année. Voilà, donc c'est, je vous explique un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Nintendo qui a sorti... C'est des planches en carton, en fait, tout simplement, prédécoupées. Et en suivant les instructions sur la Switch, donc la dernière console de Nintendo, on fabrique des petites pièces à partir de ces bouts de carton. Et petit à petit, ça donne carrément un nouveau jeu auquel on peut jouer. Alors, par exemple, le premier qu'on a fait, c'est une canne à pêche. Voilà, on peut fabriquer une canne à pêche en carton et pêcher avec la Switch. On a également, on avait un guidon de moto, donc c'était vraiment comme un vrai guidon de moto. Fallait appuyer, fallait utiliser le démarreur, tourner pour prendre les virages. Un piano également qui jouait, voilà, qui reconnaissait les notes. La Switch reconnaît les notes qu'on appuie, même si les touches sont en carton. Et puis une maison qui est une sorte de Tamagotchi, on va dire, niveau supérieur des Tamagotchi. Et là, donc on va les représenter donc à cette journée. C'est l'occasion de les représenter pour tout le monde, parce que là, bah, c'était spécifiquement pour ceux qui étaient inscrits à l'animation. Et on va également présenter un nouveau Nintendo Labo. Donc là, c'est un robot, carrément. Enfin, un robot, pas tout à fait. On enfile une espèce de sac à dos avec une espèce de casque, avec des fils qu'on mettra sur les mains, sur les pieds. Et du coup, en bougeant, il y aura un robot sur l'écran. Donc nous, on le mettra sur un écran géant lors de cette journée. Et le robot à l'écran reproduira les mouvements qu'on réalise en vrai. Voilà. Est-ce que c'est presque comme refaire de la motion capture, hein, si oui, bah, c'est, oui, ça ressemble un petit peu, oui, du coup. Mais en carton, voilà. En carton, tout simplement, mais Nintendo nous prouve bien que même avec des morceaux de carton, on peut s'amuser, contrairement à ce qu'on croyait. Et cette journée va se clôturer, entre guillemets, avec un concours, c'est ça ? Alors, l'après-midi, il y aura un concours, oui. Un concours avec des... Alors, justement, avec le Nintendo Labo, je précise pas exactement quel... Parce qu'il y a des mini-jeux, en fait, sur... À chaque fois, il y a plusieurs mini-jeux sur chaque jeu du Nintendo Labo. Et on utilisera ces jeux pour faire un petit concours, voilà... Donc c'est ouvert à tous. Alors c'est sur comment dire. C'est par contre il faut quand même s'inscrire. Donc c'est sur place jusqu'à 16h. Voilà. Est-ce que pour le concours il y a un prix de participation comme des tombolas ou des choses comme ça ? Oui, il y aura des petits lots, il y aura un gros lot que je ne dévoile pas, et puis des petits lots voilà pour. Toutes les personnes qui auront participé, oui. Mais je veux dire aussi, pour ceux qui veulent gagner quelque chose, il faut s'inscrire. Est-ce qu'il y a un petit prix à débourser pour... Ah non, non, pardon. Non, non, non, non, non, non. C'est totalement gratuit. Voilà. Non, aucun souci. Encore une fois, la médiathèque fait beaucoup, beaucoup d'animations gratuites, tiens. Oui, ben, c'est notre but, hein, d'ouvrir justement... On essaie d'ouvrir justement par le biais des concours, des animations... pour présenter un petit peu, parce qu'en fait, par les animations, on présente aussi nos supports, quoi. Quand on fait la journée du jeu vidéo, ce qui permet de présenter nos tablettes, nos consoles, nos jeux, quoi, en fait. Comme la, les animations par rapport à la musique, on, à chaque fois, on fait une sélection de documents. Le cinéma, par exemple, quand on a fait notre cycle, on a fait une sélection de films que nous, on propose à la médiathèque, ainsi que des musiques, voilà. La même chose pour la littérature adulte et enfant, voilà. Donc, vous faites une sélection pour proposer ce que vous avez dans vos bacs, oui. Pour inciter peut-être les gens à fureter un petit peu plus aussi dans les couleurs de la médiathèque. Voilà, pour faire connaître aussi un autre cinéma, par exemple, quand on propose notre cycle, ou d'autres musiques, quoi, voilà. Le plus simplement du monde. Et Laurent, je reviens à toi avant la pause musicale, quoique Catherine, tu peux aussi répondre si tu veux. Tu as dit la première journée du jeu vidéo s'était très bien passée, donc vous en faites une deuxième. Est-ce que vous avez tous les deux l'impression qu'il y a un regain de l'entrain pour les jeux vidéo en particulier ? Disons, ce qui est bien, c'est que ça touche quand même tous les publics. Enfin, l'année dernière, on a bien vu, on avait des petits. Et on avait des personnes aussi plus âgées qui venaient soit toutes seules ou avec leurs petits-enfants, quoi, en fait. Ça couvre, voilà, toutes les générations confondues, quoi. Parce que, justement, quand on représente des anciennes consoles comme les consoles rétro gaming, voilà, ben, il y a des gens qui s'y retrouvent, ils ont envie de, voilà, de retrouver un moment d'enfance, quoi. C'est ça qui est sympa, hein. Oui, voilà, on voyait l'année dernière, des pères qui étaient contents de jouer au tout premier Mario Kart. Avec leurs petits, voilà, c'était assez amusant. Ouais. Oui, de voir le jeu vidéo après tout, ça devient quelque chose d'intemporel aussi, quelque chose qu'on peut tous partager, peu importe notre âge, hein, parce que ça rythme la vie de chacun. Et voilà, c'est ce qu'on dit, ça revient en fait au goût du jour, du moins par rapport à moi, ce que je voyais quand j'étais un petit peu plus au collège, si on jouait, on était plutôt quelqu'un qui passait son temps enfermé dans sa chambre et qui faisait rien de ses journées, mais... Non, hein, après tout, non. Mais en fait, les gamins, ils aiment autant les, comme la console Switch, ou ils aiment autant les anciennes consoles, quoi. On voit que ça les intéresse, quoi. Oui. Voilà. Ils sont même surpris, hein. Ah oui, il y a des jeux qui vraiment n'ont pas vieilli. Certains ont beaucoup vieilli, faut être honnête. Mais certains ne vieillissent pas, vraiment. C'est, surtout, oui, sur la mini Super NES, vraiment, ça, c'était vraiment à cette époque-là, c'était vraiment ce qui se faisait de mieux. Et c'est vraiment à tester. Ouais, et pour ceux qui veulent la tester, encore une fois, je le répète pour la dernière fois, ce sera pour la journée du jeu vidéo le 24 novembre, toute la journée, donc 10h, midi, 14h, et j'ai oublié l'heure de... 17h. Voilà, 17h, à la médiathèque de Dommartin-lès-Remiremont. Et on va peut-être s'écouter une pause musicale suivante. Alors, on va s'écouter cette fois l'artiste Gaëtan Roussel pour son album Trafic, aussi disponible à la médiathèque de Remiremont. Et le morceau que vous avez choisi tous les deux... c'est Tu me manques, pourtant tu es là, en collaboration avec Vanessa Paradis. On s'écoute ça maintenant et on se retrouve juste après. L'ose dire, l'unisson, les espaces et la hauteur sous plafond. Tu me manques, pourtant tu es là. Tu me manques, pourtant tu es là. Le bleu du ciel, l'horizon, les nuages et la hauteur sous plafond. Tu me manques, pourtant tu es là. Tu me manques, pourtant tu es là. On offre notre amour sans condition, sans condition. On souffle notre amour sans illusion, sans illusion. Qui s'endort, les néons, les mensonges et le bruit des glaçons. Tu me manques, pourtant tu es là. Tu me manques, pourtant tu es là. On offre notre amour sans condition, sans condition. On souffle notre amour sans illusion, sans illusion. les espaces et la hauteur sous plafond. Tu me manques, pourtant tu es là. Et vous êtes de retour sur Radio Gameuse 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et vous avez écouté à l'instant le morceau « Tu me manques, pourtant tu es là » de l'artiste Gaëtan Roussel de son album Trafic, et qui se trouve à la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges Méridionales, parce qu'après tout, c'est son nom. Et forcément, on est toujours avec Catherine et Laurent. Je vais y arriver, de la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges Méridionales, où aussi c'est... Mince, elle a une abréviation aussi. CCPVM. Ah voilà, CCPVM. Donc je me le note aussi, si jamais je veux pas écorcher son nom. Et comme je le disais, donc si vous voulez en écouter un petit peu plus de Gaëtan Roussel, n'hésitez pas à faire un tour, encore une fois, à Armirmont, auprès de la médiathèque qui se trouve dans la ville que je viens de nommer, pour découvrir l'album dans son intégralité. Alors, on a parlé cycle Portugal, on a parlé journée du jeu vidéo. Dans tous les cas, ce sont des animations disponibles pour tous. Et il y a aussi une nouveauté à annoncer parmi tous les temps forts des deux mois, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à voir. Mais Catherine, je sais pas pourquoi j'ai dit Laurence. Un mix entre Laurent et Catherine, non. Donc Catherine, dis-moi, il y a une nouveauté, en particulier pour le Val d'Ajol, qui va arriver en décembre, c'est ça? Effectivement, donc on va avoir une nouvelle antenne, donc une antenne au Val d'Ajol, qui va ouvrir ses portes au public le mercredi 19 décembre. Donc exceptionnellement, on va ouvrir un petit peu plus longtemps, on va ouvrir de 10h à midi et de 14h à 20h. Donc lors de cette journée d'inauguration, il y aura donc un spectacle à 16h30. Donc pour situer, la médiathèque du Val d'Ajol, elle est tout près de la mairie du Val d'Ajol, dans un bâtiment qui s'appelle les Épinettes, au deuxième étage. Donc on va présenter donc une petite animation, un spectacle familial pour tous, qui s'appelle Une petite histoire ou deux, qui est animé par Marc Gougeot. Donc en fait, c'est un spectacle qui est écrit par Kerr Arthur et composé et interprété donc par cet instrumentiste. Il va nous présenter deux petites histoires, spécialement pour les plus petits. Donc la petite souris qui perd une dent et la chaussure du géant. À la fin de cette représentation, il va nous présenter un petit peu tous les instruments qu'il aura utilisés tout au long du spectacle. Ensuite, à 18h, donc on aura l'inauguration officielle de cette nouvelle médiathèque. Et puis, justement, pour participer et faire venir tous les Ajolais, on essaye justement ce soir-là d'ouvrir jusqu'à 20h. Et c'est pratiquement la veille des vacances, puisque c'est le 19 décembre. Donc on espère remplir toutes les salles de la médiathèque. Et puis donc là, vous pourrez découvrir donc tous nos nouveaux documents. Donc il y aura bien sûr des documents imprimés, livres, BD, mangas, CD livres lus, des DVD. Donc quand on propose des DVD, ben, automatiquement pour adultes et pour enfants. Des CD, évidemment tout un coin jeux vidéo aussi, avec aussi une belle télé pour jouer ou alors pour regarder des films. Et puis tout un coin petite enfance, et puis romans, littérature, etc. CD aussi pour les enfants. J'espère que je n'ai rien oublié. Et un coin presse avec une quinzaine d'abonnements à des revues différentes. Voilà. En gros, pour notre future médiathèque du Val d'Ajol, voilà. Et puis, ben, on espère, voilà, trouver de nouveaux lecteurs et puis, ben, correspondre un petit peu de plus en plus à la demande des gens, en fait. Ah oui, parce que avant, il n'y avait pas de médiathèque au Val. Il y avait une bibliothèque associative qui était quand même générée par quand même tout un groupe de parents d'élèves qui fonctionnait bien, mais bon, en fait, enfin, il y avait que des documents écrits. Donc là, c'est quand même une ouverture vers le multimédia. Voilà, parce qu'on le rappelle, la différence entre bibliothèque et médiathèque, c'est que bibliothèque, c'est, si j'ai bien compris, tout ce qui est plus... C'est que les documents imprimés. Voilà, alors que médiathèque, ça va plus loin. Tout support. Donc, voilà, bah, tout média, en fait, littéralement. Oui. Et ça, donc cette journée d'inauguration, est-ce qu'on a dit quand elle aurait lieu ? 19 décembre. Le 19 décembre, toute la journée d'ailleurs, si je me trompe pas, exceptionnellement, ça je crois tu l'as dit, la médiathèque fermera plus tard que ses horaires habituels, en effet. Et oui, on a parlé des différents temps forts. Est-ce que tu as dit que pour cette inauguration, j'imagine qu'il y aura quand même un petit verre de l'amitié ? Petit verre de l'amitié, normalement vers 18h, oui, après les discours des officiels. Parce que voilà, c'est aussi un événement, comme tu l'as dit, c'est une nouvelle antenne aussi pour le réseau. Pour l'intercommunalité. Voilà, pour l'intercommunalité. Et ça fait aussi d'autres opportunités pour créer des animations en partenariat avec des associations du Val, pour faire des choses un petit peu plus locales, ou aussi faire en sorte que les Ajolais n'aient pas forcément à se déplacer, mais que la culture vienne à eux aussi. Oui, c'est pour ça que le samedi qui suit, on fait déjà un Cyber Kids, donc au Val d'Ajol. Voilà, si Laurent veut en parler. Oui, voilà, oui, un Cyber Kids pour marquer le coup un petit peu avant Noël, petit cadeau. Voilà, oui, c'est toujours avec le Nintendo Labo. Voilà, c'est... on le lâche pas, hein, Nintendo Labo, on l'exploite jusqu'au bout. On l'a démonté, remonté, redémonté, remonté. Mais là, voilà, ça va être c'est l'occasion, un petit peu comme pour la journée de jeux vidéo, de représenter un petit peu tout ce qu'on a fait. Et de représenter la canne à pêche, le piano, etc. Et le robot, évidemment. Et on pourra, voilà, inaugurer aussi la belle télé de la médiathèque du Val d'Ajol. Et voilà, donc les petits Ajolais qui souhaitent, et Ajolaises, qui souhaitent découvrir ça, ils peuvent s'inscrire, c'est sur inscription, tout simplement. Et ce sera le samedi 22 décembre, le matin, 10h midi. Voilà. Comme d'ailleurs les Cyberkids, c'est toujours le samedi matin, c'est ça. Je crois. Ouais. Donc, et aussi, ça s'adresse plutôt aux enfants. Donc, je vois sur le communiqué les 7 à 12 ans. Donc, si vous avez au-delà de 12 ans. Bah non. Désolé. Et voilà, ça c'est pour la nouvelle médiathèque du Val d'Ajol qui ouvre, je rappelle, comme tu l'as dit, le 19 décembre. Donc c'est bientôt, hein, c'est dans moins de 2 mois. Oui, dans un mois et demi, un peu plus. Oui. Ça va passer vite, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de travail. Oui, on a encore beaucoup de travail. On est seulement en train d'aménager tout le local, d'amener toutes les collections, et on a encore beaucoup de collections qui sont en commande, qui ne sont pas traitées. Ah oui, donc... Donc là, on va travailler justement avec des bénévoles. On va aussi, donc on va avoir 6 bénévoles qui vont travailler avec nous en roulement. Donc on les remercie aussi pour leur participation. Voilà, c'est nouveau pour nous. On n'a jamais travaillé avec des bénévoles. Donc, c'est un nouveau challenge. On verra. Ils sont très motivés. Et voilà, c'est très bien. En ce moment, ils sont en train de faire des immersions le mercredi à la médiathèque de Remiremont, justement, et de Sanabor. Ils font leur petite formation d'agents du patrimoine. Voilà. pour après gérer la médiathèque, ou il y aura après des salariés sur place ? En fait, ils ne seront jamais tout seuls. Il y aura toujours un titulaire qui sera avec eux. Mais en fait, ils vont quand même nous aider au niveau du fonctionnement, tout ce qui est rangement, même pour les animations ou autre quoi. Hein ? Oui, ce qui doit vous enlever une épine du pied. Mais on remercie aussi par avance ces bénévoles qui donnent leur temps. Hein, on remercie tout le monde sans qui ça n'aurait peut-être pas été possible. J'imagine l'intercommunalité, la commune du Val d'Ajol, enfin... Voilà, parce qu'une nouvelle antenne pour la médiathèque, pour l'intercommunalité des médiathèques, c'est pas rien. Et voilà, toujours dans l'ouverture, la découverte. Et en parlant de découverte, on va peut-être s'écouter la dernière pause musicale. Il s'agit d'un titre de Christine and the Queens et de son album Chris. Alors on a choisi, je vous avoue, on a tiré presque au pile aux fesses. Et le morceau qu'on a choisi, c'est « Damn, what must a woman do ?» On va s'écouter ça, on va voir si le hasard a bien fait les choses, et on se retrouve juste après sur le 107. Let me speak. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et vous avez à l'instant écouté le morceau Damn What Must A Woman Do de Christine and the Queens de son album Chris. Et si vous voulez écouter d'autres de ces morceaux, n'hésitez pas à faire un petit tour à la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionale pour l'emprunter ou pour l'écouter sur place. Et on est toujours avec Laurent et Catherine pour, comme on le disait, faire la programmation des temps forts du réseau des médiathèques pour novembre et décembre. Et on a fait quasiment le tour en fait de tout ce qu'il y a, de tout ce qui va se passer, surtout des grands temps forts. Donc avant de résumer ce qui s'est dit avant, je pense qu'on peut peut-être venir vite fait pour parler des derniers événements dont on n'a pas trop parlé. Laurent, est-ce que tu te sens prêt ? Oui. Oui, on peut parler des ateliers du cyber, donc nos ateliers informatiques pour adultes. Ouais. Donc, qui ont lieu les mercredis matins à Remiremont, donc qui sont également gratuits sur inscription. Donc là, on va avoir un cycle grand débutant, donc vraiment pour les personnes qui débutent totalement en informatique. Là, on reprend vraiment les bases. Donc, ce sera sur 3 séances, donc 3 mercredis à la suite. Et ensuite, il y aura un café tablette. Donc c'est un petit peu la même chose, c'est pour découvrir, pour les personnes qui voudraient découvrir le fonctionnement des tablettes, pour éventuellement en acheter une après, mais donc voilà, oui, c'est puis l'occasion aussi d'un petit peu d'échanger, si des idées d'appli ou de choses comme ça. Et puis enfin, là c'est pour le mois de décembre, une initiation au logiciel Photoshop, donc là pour un public déjà un petit peu plus à l'aise avec les ordinateurs. Et tous ces ateliers, ils sont sur inscription, j'imagine ? Oui, c'est ça. Pour s'inscrire à la médiathèque, voilà, ou passer un coup de téléphone ou passer à la médiathèque. Et j'imagine que les jours seront précisés. On peut peut-être le dire vite fait pour les oui, auditeurs, voilà. Que ça peut peut-être intéresser. Oui, alors je précise aussi que les ateliers sont ouverts à tous. Il n'y a pas forcément besoin d'être abonné à la médiathèque. Voilà. Donc le cycle grand débutant, ce sera les mercredis 7, 14 et 21 novembre, donc à 10h midi. Le café tablette le mercredi 28 novembre. Et l'initiation à Photoshop, donc sur 3 séances également, les 5, 12 et 19 décembre. Encore une fois, gratuit et comme on le disait, sur inscription. Donc ça, c'est ce qui concerne les ateliers du cyber. Et s'il y a autre chose dont je voudrais qu'on parle brièvement, ça va quand même durer un bon mois, c'est une exposition BD, c'est ça Catherine ? Donc le BD Zoom, donc ça c'est en fait notre collègue Anne-Caroline qui régulièrement donc présente un auteur de bande dessinée. Donc là ce mois-ci c'est Arleston. Donc en parallèle à chaque fois elle fait une présentation de ses documents justement que nous on propose à la médiathèque. Je voulais aussi rebondir sur le café lecture qui est aussi présenté par Anne-Caroline et Marie-Laurence. Donc nos deux bibliothécaires du fonds du document imprimé. Donc régulièrement, elles présentent aussi des romans ou documentaires ou BD ou poésie. Donc ce rendez-vous est fixé le samedi 17 novembre entre 14h30 et 16h. Donc voilà, à l'entour d'un café, elles papotent, elles partagent de la littérature en fait. Hein. Et généralement, elles ont toujours un public bien pertinent, enfin, ils ont un bon moment d'échange. Et sans oublier les enfants, bien sûr, les lectures enfants. Donc, on a les marmottines pour les plus petits de 0 à 3 ans. Donc, à Remiremont, de 10h à 11h, les samedis 10 novembre et 8 décembre. Et pour les plus grands, donc, les racontines, de 4 à 7 ans. Donc, à Remiremont, de 10h à 11h30, donc, le spécial de Portugal, le 17 novembre, et le samedi 15 décembre de 10h à midi. Voilà, pour notre cycle animation fin semestre 2018. Voilà, et pour répéter rapidement aux auditeurs, hein, pour ceux qui prennent peut-être l'émission en fin d'heure, hein, tout simplement, peut-être résumer rapidement ce qui va se passer, surtout le cycle Portugal et la journée du jeu vidéo et l'ouverture de la médiathèque du Val d'Ajol. Alors, je pense... Quelques mots pour chaque temps fort, Catherine, est-ce que tu te sens prête ? Alors donc, si tout le monde a son stylo pour noter dans son agenda ou dans son portable. Donc le spectacle de danse contemporaine, donc le vendredi 16 novembre à 20h30 au Centre culturel Gilbert Zog, donc Sceaux. Ensuite, donc, notre soirée portugaise à Saint-Étienne-les-Remiremont, donc dans la nouvelle salle multi-activité. Donc à 20h, un concert de fado. À 22h, démonstration de danse portugaise avec Os Lusos. Et entre-temps, dégustation donc de mets portugais. Et ensuite, donc la journée du jeu vidéo, bah, la même journée, le 24 novembre, sauf que là, ça se passe en fait tout au long de la journée sur Dommartin, la médiathèque de Dommartin. Et tout autour du jeu vidéo, bien entendu, comme son nom l'indique. Bien entendu. Et le 19 décembre, ouverture de notre nouvelle antenne donc au Val d'Ajol. Avec un spectacle aussi pour enfants, à 16h30. Voilà, donc ça, j'imagine que c'est pour les différents temps forts qu'on a déjà détaillés dans l'émission. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, je vous encourage à réécouter l'émission qui sera en podcast. C'est tôt dans la soirée, mais ça, je vais le répéter dans quelques instants. Et on peut peut-être rapidement, comme il y a une nouvelle ouverture de médiathèque pour le 19 novembre au Val d'Ajol, on peut peut-être parler rapidement horaire d'ouverture. Je pense que c'est important. Alors les horaires d'ouverture de la médiathèque du Val d'Ajol, donc ce sera donc le mercredi, on sera ouvert de 10h à midi et de 14h à 17h30. On sera également ouvert les vendredis de 14h à 18h30 ainsi que le samedi de 10h à midi. Voilà pour les autres horaires des médiathèques, donc vous pouvez retrouver quand même tous nos horaires sur les plaquettes des rendez-vous. Sur notre page du portail ainsi que sur notre page Facebook. Le plus simplement du monde. Et en parlant de site internet et de page Facebook, parce que l'émission touche hélas déjà à sa fin, on peut rappeler que votre site internet, en tout cas de la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionale. C'est médiathèque.ccpvm.fr, là où aussi on a le déroulé aussi de des autres médiathèques, hein. Comme on le disait, c'est la CCPVM qui chapeaute un petit peu le réseau. Forcément, vous êtes aussi présent sur Facebook, vous avez été identifié pour l'annonce de l'émission et vous serez identifié dans le podcast pour que les auditeurs la retrouvent rapidement. Donc je pense que c'est, oui, ça doit être les dernières informations nécessaires pour que les auditeurs se retrouvent dans tous ces événements, dans tout cet amphore, parce que ça, je le disais, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent après tout dans le secteur par la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges méridionales et les autres médiathèques aussi et les associations. Enfin voilà, on n'a pas trop le temps de s'ennuyer dans les Vosges. Ben merci Alou de nous avoir reçus, c'était un plaisir de venir partager avec vous donc cette petite rencontre autour de nos animations. On reviendra pour la saison 2019, voilà. Ah. Oui, on a hâte, et avant de se dire au revoir pour de bon, ça va déjà être le moment de faire la programmation de la soirée. Donc on retrouvera à 20h Michel pour son émission La Parole est à vous, puis à 22h ce sera Dominique pour J'ai aimé, je vous le lis. On se retrouve demain matin 7h-8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, et pour ceux qui veulent pas attendre demain matin, elle sera en podcast sur notre site internet radiogemozo.eu, émission et rediffusion en rubrique L'heure des loups, ou sinon sur notre page Facebook Radio Gemozo, aisément écoutable, aisément téléchargeable sur ordinateur, tablette, smartphone, tous les systèmes d'exploitation fonctionnent. Puis après, demain matin, comme je disais, on retrouvera Marion à 8h30 pour sa matinale qui vous racontera le programme de la journée de demain. Et sinon, demain soir, on se retrouvera à 18h, 19h comme d'habitude, cette fois avec un chanteur qui s'appelle Danny Terreur. Tiens, là j'ai fait des vers. Donc on se retrouvera bien entendu avec Mika, vous avez l'habitude, pour en savoir plus sur ce jeune musicien, mais je vous en dis pas plus, on se retrouvera pour ça demain. Laurent, Catherine, merci beaucoup pour vos informations, merci beaucoup pour votre temps et votre bonne humeur, ça fait toujours plaisir de voir que les choses bougent et que y a toujours des gens et des équipes dynamiques pour faire en sorte que il s'en passe des choses dans les Hauts-de-Vosges, donc merci beaucoup à vous deux. Merci. À bientôt. Oui, à bientôt, et merci aussi aux auditeurs d'avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Bon, en tout cas, on se retrouve demain, et puis voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir.